Jason. Ouais, ouais. Pilon. C'est ma zik, mec. Ouais. Ma zik veut vendre Tarsar. Pour sortir de la merde, pendant que les frères plongent comme Van der Sar. Mais pas sur de l'herbe, la verdure comme le verre. La surenchère, ça me fout la gerbe. Te vomis des textes serbes, bien viscères comme un potion d'herbe. Ma zik elle baisse les têtes comme Toto pèle la tête. C'est un truc de ouf comme sur la tête d'un keuf se balader. Ma zik est déter, elle veut squatter ton baladeur. Barauder en phaseur, elle a les nerfs contre les imposteurs. Ma zik elle nique ton poids sur la côté. Beau gosse les côtés, laisse le cadavre du tien sur le bas côté. Des fois elle est censée après un gros pilon de monsieur. T'inquiète, elle est massive quand elle voit que les choses se corsent. Elle aime les verres de sky corsé, déclenche et le plan hors sec. Ma zik elle met des bombes dans ton petit corps sec. Elle aime les samples sales comme la scène. Vénère sur scène, cette pute elle vient de la banlieue nord parisienne. Ma zik elle réfléchit, elle se demande pourquoi elle est fichée chez les flics. Pourquoi l'école dehors elle a fichu. Ma zik elle a la classe en solo, en featuring. Elle représente sa classe même en dehors de ce foutu ring. Ma zik elle a grandi sans papa à la place, y'a eu des parpaings. Simon comme parrain frappe comme Jean-Pierre Papin. Ma zik elle a pas de compte à Zurich. Elle se contente de mettre des bombes sur beat comme Kassovitz à Munich. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en disent long. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en disent long. Vas-y, écoute ma zik, elle te parlera de tout. De das, de tasse, de somme avec lequel es-tu. Ma zik chante le ballon, le terre-terre et ses galères. Pour tous les barbelés de France et tous ceux qui sont derrière. Ma zik est illicite, alors elle aime pas trop les stupes. Obligée de les insulter à chaque fois qu'elle est en stud. Ma zik est un brolique, une bastos, une grosse douille. Choquante comme une femme avec une grosse paire de couilles. Ma zik n'aime pas les deb, car elle est homophobe. Malheureusement elle voit des traves, même derrière le microphone. Elle fait du bruit, trop bruyante comme une manif. Compare ma zik à un calache et la tienne à un canif. Ma zik est dure et droite, elle ne fait pas d'acrobatie. Sache que ma zik ressemble au bled et pas à la Croatie. Ma zik est un bonhomme, elle est comme Jason et comme Hex. Elle a la haine depuis le berceau et ça s'entend dans ses textes. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en disent long. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en disent long. Ma zik va droit au but sans passer par quatre chemins. Depuis qu'elle a vu le jour, vers les années 80. Elle fait pas dans la dentelle lorsqu'elle s'en prend aux dirigeants. Comme à l'époque des indiens qui s'attaquaient aux diligences. Ma zik, elle fait flipper ceux qui siègent au parlement. Comme les émeutes en banlieue, une bombe à retardement. Elle est franche, elle est sincère, elle dit la vérité en face. Rien à voir avec les vieux poèmes qu'on récitait en classe. Ma zik n'est pas si tendre, elle a ce côté pur et dur. Dans la rue, elle laisse des traces avec des stickers sur les murs. Elle a trouvé son public dans les cités HLM, loin des quartiers chics et des boutiques H&M. Ma zik, c'est des graffeurs, des danseurs, des DJ. Elle appartient au hip-hop au cas où t'as rien pigé. Chaque jour, elle a accompagne tous les mecs qui sont en prison. Ma zik c'est toute ma vie sous forme de texte qui en dise long. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en dise long. Ma zik une balle, y'a perdu sa douille. Dirigeant dans la tête des dirigeants, elle a ma couille. On rappe nos vies, c'est Jason Hex Pilon. Des années de galère sous forme de texte qui en dise long. Jason de la meute. Ouais, ouais. Appelle le Hex. Écoute sa zik, c'est toute sa vie. 9-5 9-2 7-5.